à toutes et à tous et bienvenue dans ActuVu, le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui reprend toute l'actualité de la semaine. Aujourd'hui c'est un peu spécial et oui, c'est déjà la dernière de l'année. On est évidemment tous émus et heureux d'être avec vous pour cette fin de saison. Pour conclure ce chapitre, Charlotte sera avec nous en studio et reviendra sur les troubles qui subsistent en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, notre fameux rédac-chef, Pierre, tentera de nous expliquer les avancées des relations diplomatiques entre la Grèce et la Turquie. Une 7e édition record du sommet Chouz-France va avoir lieu à Versailles et c'est Alexandre qui reviendra sur les objectifs de cette année. Ensuite, un premier Hugo nous parlera Festival de Cannes et notre autre Hugo abordera l'épineuse question de la TNT. Mais avant tout, c'est notre dernier Rafluoté présenté par Louis. Une scène d'une rare violence au péage d'Incarville dans l'Eure ce mardi 14 mai. Une attaque d'un fourgon qui transportait des détenus. Les assaillants ont libéré l'un d'eux, son nom est Mohamed Amra, surnommé La Mouche. Deux agents pénitentiaires ont été tués pendant l'assaut. Interpol a émis un avis de recherche international pour localiser le délinquant, alors que l'intersyndicale des surveillants de prison continue sa mobilisation. L'éolien maritime continue son développement en France. Et oui, le troisième parc éolien offshore a été inauguré cette semaine à Fécamp, en Seine-Maritime. Alors à vos stylos, tenez-vous bien, c'est un site de 60 km² à 13 km de la côte, censé fournir l'équivalent de la consommation électrique de 700 000 Français pendant 25 ans. Coût du chantier, 2 milliards d'euros. Désormais cap sur l'éolien flottant pour le gouvernement, le chantier débutera au sud de la pointe bretonne. Le Premier ministre slovaque Robert Fico, toujours entre la vie et la mort. Le chef d'État est dans un état critique après avoir été blessé par balle ce mercredi à Nlova. Le suspect est âgé de 71 ans et identifié comme un écrivain local. Robert Fico, considéré comme russophile et populiste, était revenu au pouvoir en octobre 2023. L'axe Pékin-Moscou semble n'avoir jamais été aussi solide. Vladimir Poutine a réservé son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection à Xi Jinping. Une amitié à chérir, propice à la paix et la stabilité, selon les deux homologues. Le président russe espère établir une coopération plus étroite avec son homologue chinois. Un nouveau paysage médiatique se dessine peut-être. La fusion France Télévision et Radio France pour 2025 ne serait qu'un premier chapitre. Place désormais à la deuxième étape, l'INA et France Média Monde, qui regroupent RFI et France 24, pourraient rejoindre également les rangs en 2026. Le gouvernement souhaite en fait unir toutes les sociétés de l'audiovisuel public, rien que ça. Les syndicats ont déjà appelé à la grève pour les prochains jours. Cette saison, 306 matchs et 255 buts plus tard, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a officiellement annoncé son départ. Est-ce que Valentine, tu sais de qui je parle? Tu peux me dire? Kylian Mbappé? Tout à fait, ce n'est pas un scoop pour vous, mais oui, je parle bien de Kylian Mbappé qui quitte la capitale au terme de la saison. 6 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions, le Parisien aura marqué l'histoire du PSG. Pas encore de destination annoncée pour le jeune de Bondy, même si on parle bien évidemment du Real Madrid depuis quelques années. Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi, mais qui elle est, celle-là? Quelle indignité. Depuis le début de la semaine et des nuits de violence en Nouvelle-Calédonie, 5 personnes sont mortes. Alors que l'état d'urgence a été décrété, l'armée est déployée pour faire face à des émeutiers à l'aéroport de Nouméa. Mais la tension commence à redescendre. Charlotte, tu reviens sur ce qui a conduit à ces nuits d'émeutes. Eh bien, des indépendantistes s'opposent au projet de réforme de la Constitution porté par le gouvernement. Et cette réforme, en fait, elle prévoit d'élargir le droit de vote aux élections provinciales à de nouveaux électeurs. En fait, ce que craignent les indépendantistes kanak, c'est d'être noyés dans le corps électoral parce que le système de vote en Nouvelle-Calédonie est spécial. Seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant 1998 peuvent voter aux élections provinciales. Et c'est sur ce point que la réforme revient. Oui, et si elle est adoptée, tous les habitants présents depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie pourraient voter, et ça représente environ 25 000 nouveaux électeurs. Avant que la crise ne s'aggrave, Emmanuel Macron avait proposé dimanche d'organiser une rencontre à Paris avec les élus calédoniens, et le président espère trouver un accord général. Alors le projet de loi a été adopté dans la nuit de mardi à mercredi dans les mêmes termes qu'au Sénat à l'Assemblée nationale, ce qui ouvre donc la voie à son adoption définitive par les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles. Ce congrès n'aura cependant pas lieu tout de suite pour permettre un éventuel accord global avec les parties prenantes locales, c'est-à-dire les indépendantistes et les loyalistes. En métropole, les sapeurs-pompiers étaient en grève jeudi. Ils ont manifesté dans les rues de Paris pour réclamer de meilleures conditions de travail. Dans leur communiqué, les 9 syndicats de pompiers parlent d'une rémunération trop faible. Ils parlent aussi d'une possible revalorisation de la prime de risque et d'une prime pendant les JO 2024, comme pour les policiers. Et les sapeurs-pompiers, eux, dénoncent aussi des missions qui ont changé au fil des années, bien trop éloignées des incendies. Et un nouveau rapport sur le trafic de drogue en France est sorti. Cannabis, cocaïne, ecstasy, la commission d'enquête du Sénat sur l'état du narcotrafic en France a rendu ses conclusions mardi. Alors selon Bruno Le Maire, le trafic de drogue représente 3,5 milliards d'euros au minimum par an. Et en 2023, les saisies ont atteint 92,64 tonnes. Et autre chiffre encore dans ce rapport, 240 000 personnes vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants en France, dont 21 000 à temps plein. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you, be proud of you. Après des décennies de tensions diplomatiques, la Grèce et la Turquie entament un dégel de leurs relations. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président turc Erdogan se sont à nouveau rencontrés lundi, Pierre. Oui, les temps changent entre deux pays que tout a toujours opposés au cours du dernier siècle. Tensions territoriales en mer d'Égée, partage de Chypre, rivalité énergétique ou questions migratoires. Les dernières années ont accentué les désaccords, les deux pays ayant même frôlé le conflit armé il y a 2 ans. Pourtant, les deux États faisaient déjà partie de l'OTAN, l'Alliance militaire occidentale. Le rapprochement entamé depuis des mois semble maintenant porter ses fruits, puisque Erdogan parle même de renforcement amical entre les deux pays méditerranéens. Mais les tensions ne sont pas pour autant toutes dissipées. Non, dernier point de crispation en date, l'avenir de l'église Kora, cette église de confession orthodoxe, religion majoritaire en Grèce, qu'Erdogan convertira en mosquée. C'est cet islam politique mis en place par Erdogan qui complique les relations gréco-turques, et sur ce volet, ça n'est pas prêt de s'arranger. De la même façon, le président turc n'a jamais voulu reconnaître le Hamas comme organisation terroriste, il le considère plutôt comme un groupe de défense, ce qui agace le premier ministre grec. Malgré tout, on est maintenant quand même assez loin des déclarations belliqueuses de 2022. Les deux dirigeants ont signé des accords de coopération sur la protection civile lundi. Surtout, le dialogue entre Erdogan et Mitsotakis n'est maintenant plus coupé. Et ce réchauffement des relations fait les affaires de Bruxelles qui poussaient depuis quelques années maintenant vers la désescalade. Sergueï Shoigu n'est plus ministre de la Défense russe. Certains invoquent le limogeage, il vaut mieux parler de réorganisation stratégique. Vladimir Poutine met fin certes au passage long de 12 ans de Shoigu à la Défense, mais il le nomme secrétaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président russe veut en réalité passer totalement à l'économie de guerre. Il a donc nommé Andrei Belousov, un spécialiste des questions industrielles, pour remplacer Shoigu. Et enfin, la répression des opposants se poursuit en Tunisie. Même Ben Ali n'avait pas osé. Peut-on entendre maintenant dans la bouche des observateurs de la société tunisienne une étape a encore été franchie ces derniers jours. L'avocate et chroniqueuse Sonia Damani a été arrêtée en direct à la télévision grâce aux images de France 24. Cet épisode confirme une nouvelle fois la dérive autoritaire du président Raïs Saïd envers ses opposants toujours plus nombreux. Et le ministre radical est en colère. Combien ? This is Elon Musk. Une 7e édition record du sommet Choose France à Versailles. 15 milliards d'euros doivent être investis. Ce sommet réunit chaque année depuis 7 ans des chefs d'entreprise étrangers. Ils sont environ 180 cette année. L'objectif, Alexandre, les pousser à investir en France. Et on peut dire que cet objectif est rempli cette année. 15 milliards d'euros qui vont permettre de créer ou maintenir 10 000 postes en France. Ces 15 milliards d'euros, ils vont être dirigés vers 3 principaux domaines: les nouvelles technologies, la décarbonation ou encore la santé. Et en tête de ces investisseurs, Microsoft avec 4 milliards d'euros. C'est simple, c'est la plus grosse somme jamais investie par le géant américain en France. Derrière, il y a Amazon avec 1,2 milliard d'euros. C'est 3 000 emplois créés. C'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres un peu flous. Et pour vous aider à un peu mieux comprendre, voilà un exemple concret. On file à Blanquefort, en Gironde, il y a 5 ans. Ford ferme son usine dans cette ville de 16 000 habitants. Là, pendant ce sommet Choose France, l'entreprise suisse KL1 a décidé d'y investir 300 millions d'euros dans une raffinerie de nickel. C'est 200 emplois qui vont être créés d'ici 2027. Et ce sommet Choose France se tient chaque année depuis 2018. Et chaque année, les précédents records d'investissement sont battus. Et pour donner une idée, en 2022, 10,8 milliards d'euros d'investissement. En 2023, 13 milliards. Et cette année, donc 15 milliards. Mais ce constat est à nuancer déjà parce que tous ces projets ne se concrétisent pas du jour au lendemain. Aussi parce que ces investissements sont largement supérieurs à la réalité des emplois créés. Donc même si la France est le pays d'Europe qui attire le plus de projets d'investissement étrangers, ça ne veut pas dire que les créations d'emplois suivent derrière au même niveau. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement s'est félicité de cette année record pour Choose France à quelques jours de la notation de la dette française par l'agence Standard & Poor's. Au total, 56 projets d'investissement ont été présentés pendant cette 7e édition. Les Jeux Olympiques seront-ils rentables ? Alexandre, le comité d'organisation a publié cette semaine les résultats d'une étude consacrée aux retombées économiques de la compétition. Oui, résultat, les Jeux devraient ramener 9 milliards d'euros à l'Île-de-France. Cette somme prend en compte les retombées économiques des JO de 2018 à 2034 dans trois secteurs, la construction, l'organisation et le tourisme. Mais attention, le comité le rappelle, ce chiffre de 9 milliards est amené à évoluer en fonction du nombre de touristes qui viendra assister aux Jeux, mais aussi de leur pays d'origine et donc de leur pouvoir d'achat. L'Agence européenne des droits fondamentaux fait un triste constat. Les violences physiques à l'encontre des personnes LGBTQ+, augmentent en Europe. C'est le résultat d'une étude menée auprès de 100 000 Européens LGBTQ+. Et c'est notamment à l'école où ces violences augmentent. 2/3 des participants à l'étude déclarent avoir subi des intimidations, alors qu'en 2019, ce chiffre s'élevait à 46%. En France, le nombre de participants se disant victimes de harcèlement à l'école explose, passant de 44% en 2019 à 71% en 2023. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. Le Festival de Cannes a ouvert ses portes ce mardi sous un contexte assez compliqué et assez tendu, Hugo. Rumeurs et grèves, la quinzaine s'est ouverte sous la tourmente. Une liste de 10 personnalités en lien avec le cinéma français circule sur les réseaux sociaux. Les internautes l'ont attribué à la sortie d'une enquête de Mediapart, contraint de publier un article pour démentir cette rumeur sur son site ce jeudi. Cette liste était d'ailleurs calomnieuse. Si le cas d'une personne mise en cause se présentait, nous veillerions à prendre la bonne décision au cas par cas, a tout de même précisé Iris Gnobloch, la présidente du festival. Mais c'est pas tout, apparemment ça grogne en interne. Oui, un collectif de salariés cannois appelle à la grève. Des attachés de presse, projectionnistes et chargés de billetterie demandent un statut d'intermittent du spectacle. Swann Harlow et Louis Garrel ont apporté leur soutien au mouvement. À la veille du lancement du festival, le Parisien a également publié une tribune signée par 7000 acteurs français qui manifestent leur mécontentement par rapport aux plateformes de streaming. Ils demandent notamment d'être payés en proportion du succès du programme. Et ce début de festival n'a pas débuté sous les meilleurs auspices. Ce jeudi, Francis Ford Coppola a été hué après le passage de son film, accusé d'avoir eu des comportements inappropriés sur le tournage de Megalopolis, son nouveau film. Le réalisateur du film Le Parrain est revenu à Cannes 45 ans après son chef-d'œuvre. Les premières critiques sur son film sont d'ailleurs loin d'être élogieuses. Et cette année, c'est l'américaine Greta Gerwig qui préside le jury du festival. Omar Sy et Eva Green représentent la France dans ce jury. À l'Eurovision, le représentant français Slimane a terminé 4e de l'édition 2024 et c'est la Suisse qui s'est imposé. Nemo nage en plein bonheur, l'artiste suisse a remporté la 68e édition de l'Eurovision avec son titre The Code. Il raconte son identité de genre. L'interprète est d'ailleurs monté sur la scène de Malmö avec un drapeau non binaire. Nemo a cassé aussi son trophée après sa prestation finale. C'est donc la Suisse qui accueillera le concours l'année prochaine. La Kings World Cup va débuter la semaine prochaine, une coupe du monde de foot à 7 au Mexique avec de belles têtes d'affiche. Samir Nasri, Jérémy Ménez, des noms que vous connaissez peut-être. Ces deux internationaux français vont représenter la France pour la Kings World Cup qui commence le 25 mai prochain. Un tournoi de foot à 7 créé de toutes pièces par l'ancien joueur du Barça Gérard Piqué, avec des nouvelles règles comme des buts comptant double, des exclusions temporaires ou encore la possibilité d'utiliser des armes secrètes. Une panoplie d'anciennes gloires du ballon rond seront au rendez-vous. Hazard ou encore Totti, Nainggolan ou Neymar seront de la partie. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. L'appel à candidature de l'ARCOM, débuté le 28 février, concernant 15 fréquences de la télévision numérique terrestre, TNT, s'est terminé cette semaine. Parmi les candidats, 3 ont créé la surprise, Hugo. 15 fréquences remises en jeu pour 2025. En détail, ce sont 6 chaînes du groupe Canal+, 3 du groupe TF1, 3 du groupe M6, BFM TV et Énergie 12 qui voient leur contrat expirer fin 2024. Et parmi les candidats à la reprise, Valentine, 3 surprises, Daniel Kretinsky, L'Express ou encore Ouest France. Alors du côté de Kretinsky, rien de vraiment étonnant. Le mania des affaires s'était déjà positionné en 2022 pour le rachat de M6 et il possède 5% de TF1. Pour Ouest France, il s'agit de continuer à l'échelle nationale le travail fait en région, déjà propriétaire de TV Rennes ou TV Nantes. Le premier quotidien de France tentera d'ailleurs d'accompagner ce projet de chaîne TNT par une radio. Et puis l'Express, est-ce aussi une surprise ? Pas vraiment. Pour rappel, le groupe est repris en 2023 par Alain Veil, créateur de BFM TV en 2005. Pour lui, aller vers l'image est désormais essentiel. Mais ces trois groupes auront une forte concurrence puisque les 15 chaînes sortantes sont sensiblement candidates à leur propre succession. Pourtant, deux fréquences pourraient être remplacées par l'Arcom. Oui, Valentine, on parle de deux fréquences plus que d'autres. Deux du groupe Canal+, détenu par Vincent Bolloré, C8 et CNews. Alors pourquoi ces spéculations de remplacement ? C'est notamment dû et est né du rendu de la commission d'enquête parlementaire sur la TNT, à sa tête le député Renaissance Quentin Bataillon, mais surtout le rapporteur LFI Aurélien Saint-Toul. C'est ce dernier qui est plutôt réticent à l'idée de garder ces deux chaînes. Pour lui, ce serait même une atteinte à la liberté de la presse. Mais en fait, c'est surtout parce que C8 a reçu de nombreuses sanctions, déjà de la part de l'Arcom, à hauteur de 7,5 millions d'euros, et que CNews est accusé depuis plusieurs années maintenant, notamment par des responsables politiques de gauche, de promouvoir des opinions extrémistes. Et la sélection finale des fréquences pour 2025 tombera fin juillet. Je vous préviens, sortez les mouchoirs, je commence les remerciements. Merci à tous les chroniqueurs présents aujourd'hui pour leur participation finale. Merci aussi à tous les chroniqueurs qui ont participé au podcast tout au long de l'année et qui n'ont pas pu être là avec nous. Merci à l'équipe de la com, Margot, Agathe et Jérémy qui ont bossé toute l'année pour réaliser nos fameux et très célèbres TikTok. Merci une dernière fois à la régie, merci à Matt, sans qui rien ne serait possible évidemment. Enfin, merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de l'année et d'avoir répondu présent. On se retrouve à la rentrée pour un dernier épisode avant de passer la main à une prochaine équipe. D'ici là, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. La saison est officiellement clôturée. Passez un très bon été et à bientôt. Ciao, ciao.